N'attends pas le vent de sable, le sable et le vent. Le mirage, le naufrage qui plaît aux amants. Ne crois pas l'Américain qui t'attend là-bas. L'Amérique ne vaut rien pour les gens comme toi. Pour les gens d'Abyssinie, pour les chercheurs d'or, va, il ne te reste qu'un seul pays, l'ombre de ton corps. On n'attend rien, n'attend rien. N'attends pas le tueur fou, le cochon de lait, le Péruvien, le Pérou, pour t'abandonner. Quand viendra la saison des pluies, lave-t'en les mains. Et n'attends rien de la vie qu'un peu de chagrin. Comme pour les gens d'Abyssinie, pour les chercheurs d'or. Oh, il ne te reste qu'un seul pays, l'ombre de ton corps. Si ton âme est mystérieuse, ton cœur vagabond, alors que ton esprit sommeille, ne demande pas pardon. Fais comme les gens d'Abyssinie, comme les chercheurs d'or. Il ne te reste qu'un seul pays, l'ombre de ton corps. Oh, n'attends rien, n'attends rien, n'attends rien. N'attends rien.